À suivre, le quatrième livre de La passe miroir. Le monde est sans dessus-dessous. L'effondrement des arches a bel et bien commencé. Une seule solution pour l'enrayer, trouver le responsable, trouver l'autre. Mais comment faire, sans seulement savoir à quoi il ressemble? Ophélie et Thorne se lancent ensemble sur la piste des échos, ces étranges phénomènes qui semblent être la clé de toutes les énigmes. Ils devront explorer plus en profondeur les coulisses de Babel, ainsi que leur propre mémoire. Et pendant ce temps, sur Arcanterre, Dieu pourrait bien obtenir le pouvoir qu'il convoite tant, de lui ou de l'autre, qui représente la plus grande menace.